malgré. Je reste plus qu'à cliquer en freestyle et chantier en volume de rue. A la bonne heure, c'est un charbonneur. On caisse les coups de la vie, on sert nos coïnos pour un peu de bonheur. Juste un rap de bonhomme. Me compare pas à tes rappeurs préférés. Je donne la force aux frères déférés. Qu'il en soit ainsi, MC reste assis. J'ai pas fini, y'a pas de fit sans feeling comme un ligging. Je colle au cul du rap, le rap me colle au cul. Fous-moi le camp, tout s'achète, rien mais pas le vécu. Vu qu'ils s'inventent des vies à travers les nôtres. Je mets les pendules à l'heure pour la fierté des nôtres. La pif est pas le moine, c'est pour ça qu'on s'habille bien. Ils croient nous dépasser, mais ils savent pas qu'on a mis le plein. Écoute bien, c'est sur la durée qu'on voit les frères solides. Je te parle pas des faux qui font les fous dans leur bolide. On file fort en écrivant, toujours des textes soignés. Ça va de soi, ils veulent savoir ce qu'on a sur le poignet. Ferme ta gueule, on voit le pognon. Je te fais pas de croquis, on veut croquer son quiproquo, la dalle à Rocky. Je connais la procédure, même quand les procédures. À chaque discipline, on sait que par ces procédures. OP, on solo ou artiste. Les tiens se métatisaient quand les miens teasaient. Déjà jadis, c'est qui c'est. À chacun sa vision, ils me prennent pour un blindé quand ils voient ma tronche à la télévision. Disons-le, je me fais pas d'illusion. Car ici beaucoup d'MC sont morts de désillusion. Cheesy, jazz 31, jazz pour les jazz. Tant qu'on sera pas tous à l'aise comme sur un 16. J'suis là pour terrasser, tous ces MC rincés. Paix à ceux qui nous font avancer. Car à mon sens, les échanges sont bons procédés. Que du le romain est créé, sponsorisé par OCP. Romain est créé. 394, c'est là-haut, c'est là-haut, c'est là-haut. Comment ça ils disent tous? C'est nous. Freestyle chantue en volume 2. Dieu. Un pack de claques qui se perd. 13 putains cliquer en fringue. Oh my fuck, le chapeur de merde. Fuck you. À suivre.